Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Goodbye Kevin, la 310e. On va commencer avec un extrait du dernier album de John Moss, Later Than You Think, et le morceau Because We Build It, une pop assez possédée de la part de John Moss, qui est connu pour ses concerts assez spectaculaires. Tout de suite, John Moss. Yard, qui pourraient être les cousins du groupe Schalk, qui sont irlandais également, et ils ont sorti leur deuxième EP, et nous on écoute Auto-érotique, un mélange industriel électro avec beaucoup de guitare. Thank you. Et on poursuit avec Interpol, avec le morceau All the Rage Back Home, avec le morceau El Pintor, avec sur l'album El Pintor. Dans une toute autre ambiance avec Syncretic, qui est le premier album d'un duo australien porté par Bairi Raman, un violoniste spécialisé dans la musique occidentale et carnatique. Et le deuxième de ce duo, c'est Natesh Sivaraja, un joueur de mid-down gamme, percussionniste. Et tous les deux partagent un héritage tamoul. On écoute le morceau Unfolding. Tout ça, c'est sorti chez Efficient Space. Mmh. On reste dans une ambiance un peu indienne, avec des sonorités assez proches, oui et non, avec Sheila Chandra et le morceau Lament, issu de son album sorti en 85, The Struggle, où elle mélange musique indienne, électronique et pop. Ça fait un chouette projet, Sheila Chandra. Thank you. poursuit avec le projet Taras Bulba, Veniez le temps, une trance ambiante tribale, un peu down tempo, sortie dans les années 90 et rééditée en 2022 par le label Stroom. Tout va changer. Mais pourquoi tout devrait changer? Seule une mère le sait. Seule une mère le sait. Seule une mère le sait. Seule une mère le sait. Et les hommes haïrent la lune. Ils menèrent des combats qui n'avaient pas de sens. Gaspillèrent le sang. Les femmes, elles, allaient vers les pierres. Poursuit avec Smerz, duo de Norvège composé de Henriette Modzweg et Katinga Stoneberg. Deuxième album Big City Life, sorti en mai dernier. Et on va continuer sur la veine nordique avec Deer Park, bien qu'il soit new-yorkais. On le rattache à la scène alternative de Copenhague. Et il propose une pop expérimentale enregistrée à domicile. Et on écoutera le morceau Crystal, issu de son album Terra Infirma. What is else to see? I can't see clearly. Cause it was easy. My mind is turning on you. No, I'm feeling black and blue. I take your hand on you. Cause it was easy. Have I said too much? Have I said too much? Have I said too much? You set me free. Yeah. suis avec The Kerosene Hours avec le morceau What Is That In My Room, projet de Aaron Silverstein, basé à Los Angeles, qui propose une dark wave post-punk. Écoutez de nuit de préférence. Ça tombe bien, il est 15h36. Magic Shop avec le morceau Ono, issu de leur dernier EP Resurrection Machine, un rock bien psyché, bien énervé. We'll be right back. poursuit, on va sur dans la Méditerranée avec EKT, groupe post-punk grec 100% féminin qui a sorti leur deuxième album Black Hole sur un label parisien justement. Et juste après, ça sera un trio garage punk italien, BBC, et on écoutera le morceau Au Limoné. We'll be right back. tout de suite Gunnar Kühner que je vous ai présenté la semaine dernière avec le morceau Cash Cash Exercise. Oh, Doulin avec son groupe Placebo, album sorti en 73. L'album s'appelle aussi 73. Et le morceau c'était Balek. Et on va se quitter avec le rappeur SD Kid, un rappeur de Liverpool. On écoute le morceau Four Roads. Kept whipping round and wearing. Me pockets filled with 20 boots and GBP that's stealing. I'm rolling round in spenny cars, got heavy gas that I'm burning.